Nous saluons encore une fois ce soir chaque frère, chaque sœur avec joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Nous saluons également tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous suivent à travers l'Internet. Nous les saluons aussi au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Tunasalimia vile vile banduku na badada banatufuata munjia ya internet mujina bwana na mwokozi Yesu Kristo. Non, nous mettons de vous. Tutasimama bwima. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Kafungula ma Biblia yetu Mwanzo sura yake ya 3. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Adam akampatia mke wake jina la Eva. Car elle a été la mère de tous les vivants. Kwani yeye alikuwa njo mama wa bote benye kwa bazima. L'Éternel Dieu fit Adam et à sa femme des habits de peau. Wa milele Mungu akamfania Adam na mke wake mavazi ya ngozi. Et ils en revêtirent. Na akawafuika. Kisha wa milele akasema, voici l'homme est devenu complètement. Tazama mtu anakuja sawa mmoja wetu. Pour la connaissance du bien et du mal. Dieu a kujua vizuri na vibaya. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Tumuzuize basi asichofeshe mkono yake. De prendre de l'arbre de vie. Na shikule kumuti ya buzima. D'en manger. Na asikuleko. Et de vivre éternellement. Na, L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Wa milele Mungu akabafukuza toka bustani ya Edeni. Pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Ili wapate kulima budongo mule walitokaka. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Ni mwina muna alimfukuza Adamu. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les kérubins qui agitent une épée flamboyante. Nakaweka kumangaribi ba kerubi wale walikuwa natigiza mpanga ya moto. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a kuchunga njia ya muti ya buzima. Nous lisons également dans Psaume chapitre 65. Tutasoma tena Mzaburi sura 65. Psaume chapitre 65. Zaburi sura 65. Verset 5. Mustari ya 5. Heureux celui que tu choisis. Abarikiwe mwenye ule unachagua. Et que tu admets en ta présence. Na ule unakubali mwepo wako. Pour qu'il habite dans tes parvis. Ili apate kukaa mviwanza yako. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Tutashibishwa na heri ya nyumba yako. De la sainteté de ton temple. Na ya butakatifu ya hekalu yako. Dans ta bonté. Katika wema wako. Tu nous exauces par des prodiges. Unatukubali kupitia maishara. Dieu de notre salut. Mungu wa wokovu yetu. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Matumaini ya mipaka yote ya mbari ya dunia na bahari. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura yake ya 3. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura 3. Verset 20. Musara ya 12. Voici, je me tiens à la porte. Tazama, mina simama pa mulango. Et je frappe. Na, niku napika oti. Si quelqu'un entend ma voix. Kala, kama mutu akisikia sauti yangu. Et ouvre la porte. Akinifungulia mulango. J'entrerai chez lui. Taingia kwake. Je souperai avec lui. Takula naye. Et lui avec moi. Naye atakula nami. Celui qui vaincra. Ula tashinda. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tamuikarisha pamoja nami pa kiti yangu. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Paka vile mimi narishinda na mine ikana na baba yangu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous voici dans ta présence. Sous le sang de Jésus-Christ, puis-tu nous regarder avec des yeux compatissants. Et accepte-nous en ta présence. En tant que des humains, ô Dieu, Nous avons des manquements. Nous avons des faiblesses. Mais étant dans ta présence, Seigneur, nous croyons que c'est en cela que nous pouvons réellement expérimenter la délivrance. C'est en cela que nous pouvons réellement expérimenter notre salut. C'est ainsi que, Seigneur, sous le sang de Jésus-Christ, souviens-toi de chaque frère. Souviens-toi de chaque sœur. Nous venons de lire ta parole. Nous recommandons cela entre tes mains. Afin que par ton esprit, que tu puisses tous nous enseigner. Et comme tu as dit toi-même, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus-Christ, par ta parole, que nous soyons affranchis. Merci Seigneur. Nous te recommandons ce culte du début jusqu'à la fin. Sois avec nous pour la gloire de ton nom et pour notre joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire dans trois endroits différents. Genèse chapitre 3 verset 20. Mwanjo sura 3 msara 12. Psaume chapitre 65 verset 5. Zaburi 65 msari 5. Et Apocalypse chapitre 3 verset 20. Na Ufunuo 3 msara 12. De tout ce que nous venons de lire, nous tirons notre sujet. Mwi yote tunatoka mkusoma tunachugua moshina mahubiri. Nous avions vraiment parlé sur l'adoption d'une façon ou d'une autre. Tulisema sana yule akukubaliwa sawa mwana mnamna yote. Et par la grâce de Dieu. Na kwa neema ya Mungu. Nous voulons encore ajouter quelque chose. Tunapenda kuongeza kitu kingine. Ainsi nous voulons parler. Hivi basi tunapenda kusemea. Sur yulu ya ramener la présence de Dieu. Kurudisha uwepo wa Mungu. Ramener la présence de Dieu. Kurudisha uwepo wa Mungu. Mes frères et sœurs. Bandugu na badada. C'est vrai. Mbia kweli. Nous parlons du message biblique du temps de la fin. On en parle souvent. Mais je vous dis ce soir, le message biblique du temps de la fin, c'est le seul message qui amène la présence de Dieu. C'est le seul message. Suivez bien. Le message biblique du temps de la fin qui nous a été prêché, dont Dieu nous a promis que avant le jour de l'Éternel, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète n'est pas venu avec son message. Élie le prophète n'est pas venu avec sa parole. Nous n'avons pas reçu le message de Branham. Nous avions reçu le message de Dieu à travers le ministère prophétique que Dieu a donné à William Marion Branham. C'est la parole de Dieu. Ce que Branham a prêché, c'est le ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous le croyez? C'est le ainsi dit le Seigneur. Et si c'est le ainsi dit le Seigneur, le ainsi dit le Seigneur ne passera jamais. Ce message, le message biblique du temps de la fin, c'est le seul message. C'est le seul message qui ramène Dieu. C'est le seul message qui ramène la présence de Dieu. C'est le seul message qui ramène les surnaturels. En dehors de ce message, il n'y a pas du surnaturel. En dehors de ce message, il n'y a pas la présence de Dieu. Croyez cela. Il y a beaucoup de soi-disant églises. Dieu n'est pas dans l'église. Comme on va dire, Dieu est dans sa parole. Et Dieu suit sa parole. Et dans cet âge, nous avions reçu la grâce de recevoir le message biblique du temps de la fin. Est-ce que vous croyez que le message que tu crois, C'est le message qui ramène la présence de Dieu. Qui ramène même la présence de Dieu dans ta vie. Qui ramène même la présence de Dieu dans tes activités. Qui ramène la présence de Dieu dans ton foyer. Croyez cela. Si vous ne le croyez pas, vous allez commencer à clocher. Nous sommes devenus ballottants. Parce que nous ne croyons pas à ce que Dieu nous a donné. Les gens sont en train de clocher parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais nous ne clochons pas parce que nous avons Dieu. Par la grâce de Dieu, à travers le message, nous avons reçu le Dieu. Mais cependant, Japon, quand nous regardons, wakati tunangalia, le constat aussi est encore amer. Ile tunaona ni ya uchungu. Le constat est amer. Ile tunaona ni ya uchungu. Parce que beaucoup de croyants, wani waminifu wamini, du message biblique du temps de la fin, wa ujumbe wa Biblia wakati se contentent seulement de parler du message. Wanafurahikia tu kusema yule ya ujumbe. Mais sans expérimenter alakini, les réalités de Dieu, de la présence de Dieu. Bila kuonja ukweli ya uwepo wa Mungu. Parce que la présence de Dieu vient avec toutes ces réalités. Kwani uwepo wa Mungu kunakuja na mambo. Les réalités de Dieu sont infaillibles. Kama ukweli ya Mungu, quel que soit le temps, hata wakati gani, quelles que soient les circonstances, là où il y a Dieu, il y a ces réalités. Et les réalités de Dieu sont aussi palpables. Les réalités de Dieu sont aussi touchables. Les réalités de Dieu sont aussi vivables. Les réalités de Dieu sont aussi expérimentables. Est-ce que ce matin, est-ce que ce soir, est-ce que tu as déjà expérimenté les réalités de Dieu? Les réalités de Dieu? Les réalités de Dieu infaillibles. Mais nous ne nous contentons pas seulement de parler du message. Mais nous devons aller au-delà de cela. Expérimenter les réalités de Dieu que nous devons expérimenter dans sa présence. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste par des changements. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste par des changements. Le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, c'était un bâton sec. C'était un bâton sans vie. Mais quand on a pris ce bâton, on l'a amené dans la présence de Dieu. En une seule nuit, ce bâton l'a bourgeonné et ce bâton l'a produit des fruits. Mais pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, nos vies semblent être des vies stériles? Maisha yetu inaonekana aitoe matunda. Pourquoi nos vies sont sèches? Jani ni maisha yetu inakauka. Pourquoi il n'y a pas les fruits? Jani na kuna matunda. Les dons, mazawadi, on les donne. Bana ile tak. Mais les fruits, alakini matunda, pour en avoir, Dieu kuipata, il faut travailler. Inapashi utumike. Il faut cultiver. Inapashi kulima. N'est-ce pas? Aina vile. Les dons, on les donne. Mazawadi bana ile tak. Mais les fruits, pour en avoir, matunda pao kuipata, il faut travailler. Inapashi utumike. Et on ne peut pas travailler n'importe comment. Hawezi kutumika azuri namna gani. C'est en étant dans la présence de Dieu que nous travaillons pour réellement produire les fruits. Dieu kutoa kweli. Mais pourquoi nos vies sont stériles? Dieu nini maisha yetu ikutasa. Sans fruit. Aina na matunda. Lisons un peu. Tout somme kwanza. Dans sa prédication, Muma ubiri yake, les réalités infaillibles du Dieu. Ma ukweli ya shipo kotola ya Mungu. Je vais sauter. Taruga. En lisant. Mukusoma takwa na ruga. Du temps de Jésus de Nazareth, page 10, paragraphe 61. Kartasi kumi nukta makumi sita na moja. Mwakati ya Yesu wa Nazareti. Quand il était sur la terre. Mwakati ya alikuwa pa dunia. Est-ce que vous croyez que Jésus c'était Emmanuel? Munaamini ya kwamba Yesu alikuwa ni Emmanueli. Dieu parmi les gens. Mungu katikati ya watu. Dieu parmi les gens. Mungu katikati ya les watu. Gens cherchaient Dieu. Watu walikuwa wanamtafuta Mungu. Mais Dieu est venu lui-même. Lakini Mungu yeye mwenyewe alikuja. Et il a marché. Na alitembea. Les gens ne l'ont pas reçu. Watu hawakumpokea. Les gens ne l'ont pas reconnu. Watu hawakumtambue. Du temps de Jésus de Nazareth. Wakati ya Yesu wa Nazareti. Quand il était ici sur la terre. Wakati alikuwa hapa dunia. Marchant dans la chair. Mwenye kutembea mumwili. Il trouva à son jour yake, les gens en quête d'une religion qui leur apporterait la délivrance. Ils voulaient une religion qui les délivrerait de tous leurs maux et de leurs ennemis. Et le christianisme Naki Christo, a répondu à chacune de leurs exigences. Le christianisme a satisfait à tous leurs besoins et à toutes leurs demandes. Cela a répondu à chacun de leurs besoins. Mais ils n'ont pas voulu le recevoir. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que dans le message biblique du temps de la fin, il y a tout ce dont nous avons besoin pour notre marche? Est-ce que vous croyez qu'il y a tout ce dont nous avons besoin pour être agréable à Dieu? C'est pourquoi c'est un message de rétablissement, c'est un message de restauration, c'est un message de restitution. Tout ce que l'homme a perdu par ce message, Dieu a donné aux croyants tout ce qu'ils ont perdu. Par ce message, Dieu a donné à l'église tout ce que l'église a perdu. Et l'église est même rétablie dans sa position originale. Amen. Nous sommes les gens qui doivent défier le diable. Regardez un peu le nombre que vous êtes. Par rapport à la ville de Kambov. Nous sommes minoritaires. Mais bien que nous sommes minoritaires, nous sommes avec Dieu. Les autres, même s'ils sont majoritaires, ils ne sont pas avec Dieu. Abana kwa mini autrement. Mungu ici na fwashi yote. Uyu Mungu tuku natafuta. Mungu mwenye natunzaka. Mungu kuna bariki. Mungu kuna okoa. Uyu Mungu kujaza bantu na Roho Mtakatifu. Ici na fwashi yote. Etu ambale pego sauti yake. Soyez fiers. Soyez fiers de ce Dieu. Soyez fiers de la grâce que Dieu nous a accordée. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que Dieu puisse jeter son regard sur notre bassesse? Nous étions en train de vivre dans notre bassesse, mais Dieu a jeté son regard sur notre bassesse pour nous relever. Pour nous relever. Quelle grâce, mon frère. Quelle grâce, ma soeur. Nous sommes désimés comme tous les restes. Mais nous sommes différents de nous. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple particulier. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes les sacerdotes royaux. Des sacrificateurs. Mambo yote. Tunaweza kuya nayo mpresansi ya Mungu. Dieu est obligé de répondre. Mungu analazimisha ajibu. C'est à peu près la même chose aujourd'hui comme autrefois. Nous voyons qu'aujourd'hui que les gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux. Une religion qui leur apportera une certaine réalité. Le vrai et authentique christianisme ya kweli na kikristo kya kumwanjo relève chacun de ses défis. Ikuna leta jibu kumambo yote. Mais il refuse de recevoir cela. Alakini wanakataa kuipokea. Il refuse de recevoir cela. Banakatala kuipokea. Mais toi tu as reçu ça. Alakini wewe uliipokea. Et si tu l'as reçu, kama uliipokea, il doit y avoir la distinction. Inapashi kukua chanisho. Il doit y avoir la différence. Inapashi kukua mbali mbali. Paragraphe 66. Nukta makumi sita na sita. Une situation très remarquable. Mambo moya konekana sana. Existe pareillement aujourd'hui. Ikwa ko leo ivyo ivyo. Les gens aujourd'hui se demandent. Leo bantu banajiuliza. Où est ce Dieu qui a ouvert la mer rouge? Ule Mungu alipasulaka bahari mwekundu. Eko wapi? Est-ce que basse, tu peux répondre à cela? Tu peux répondre à cela? C'est Dieu-là qui avait fendu la mer rouge. Où est-il? Est-ce que mon frère, tu peux répondre à cela? Si tu peux répondre où se trouve ce Dieu? C'est Dieu-là, où est-ce qu'il est? C'est Dieu qui a fait la mer rouge. Ule Mungu alipasula bahari mwekundu. Où est-ce qu'il est? Eko wapi? C'est Dieu-là, il est où? Ule Mungu ule eko wapi? Si nous croyons, nous allons dire que ce Dieu est avec nous. Nous allons dire que ce Dieu, il est ici. Ce Dieu-là, il est ici. Quand les gens le cherchent ailleurs, il n'est pas ailleurs. Il est ici. Parfois, nous vivons n'ayant pas cette conscience. Kila mara, tukunaishi saa zingine bila kuwa na ile zamiri, bila kujua vile. Les gens aujourd'hui se demandent. Leo banajiuliza. Où est ce Dieu qui a ouvert la mer rouge? Ule Mungu alipasula bahari mwekundu eko wapi? Où est ce Dieu qui a guéri les lépreux? Ule Mungu aliponya baukoma eko wapi? Où est ce Dieu qui a délivré les captifs? Eko wapi ule Mungu alifungula bafungwa? Et pourtant, Japo. C'est à la portée de la main, c'est à la portée de la main. Eko tu mikono. Mais ils ne veulent pas recevoir cela. Lakini hawapende kumpokea. Il en est de même aujourd'hui. Iko hivyo hivyo na leo. Exactement la même chose. Kabisa kabisa mambo moja moja. Ils veulent cela. Banapenda ile. Mais ils ne veulent pas recevoir cela au niveau que Dieu l'apporte. Alakini abapende kumpokea vile Mungu anaileta. C'est la seule manière que Dieu a de l'apporter. Ni namna moya moya ile Mungu eko naileta. Comment est-ce que Dieu apporte cela aujourd'hui? Il en est de même aujourd'hui. Ils veulent cela, mais ils ne veulent pas recevoir cela au niveau que Dieu l'apporte. Et nous ne pouvons pas faire descendre Dieu au niveau de notre pensée. Mais nous devons nous élever au niveau de sa pensée. Lakini tunapashi kupanda kufika mukimo ya mawazo yake. Et le rencontrer sur le terrain qu'il a prévu pour que nous puissions le rencontrer. Na tupate kukutanishana naye mukiwanza ila ritayarisha juu tupate kukutana naye. Et c'est ce que Dieu a fait. Na njo kile Mungu alifanya. Les gens cherchent Dieu. Batu banamtafuta Mungu. La voie pourvue par Dieu. Ile njia Mungu alitayarisha. Pour que les gens rencontrent Dieu aujourd'hui. Dieu abantu bakutanishana na Mungu. Et qu'ils soient ramenés à ce Dieu-là. Tupate kurudisha na Mungu. Ce message biblique du temps de la fin. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants au cœur de leur père. C'est un message qui nous ramène à Dieu. C'est un message qui nous ramène à Dieu. Adam ou Nakatala. C'est ça la vérité. C'est un message qui nous ramène à Dieu. C'est un message qui ramène Dieu. Ni ujumbe namrudisha Mungu. Oui. Dio. Je vois quand on ne comprend pas ça. Kama mana kama uelewe vile. Si on dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Kama bakiambia batu bile bana batu kufanya. Par la parole de Dieu, les gens résistent. Na kupitia neno la Mungu batu banakangala. Il continue de dire. Anendelea anasema. Eh bien, Mzuri. Si Christ, kama Kristo, ils avaient tous leur credo dénominationnel. Barukwa na mafundisho yabo ya kizebu. Les pharisiens, ba farisayo, les saducéens, ba sadukayo, les hérodiens, ba hérodia, que sais-je encore, na bengine, toutes ces différentes formes et sectes de religion. Mahali yote ya madini ya makundi kundi ya madini. Comme aujourd'hui, sa leo, on a toutes ces religions. Tukuna hii madini yote, les méthodismes, ba mishoni, les branamis, ba kuamini branam, les catholicismes, baki katolika, les pentecôtistes, batu ya pente, il y a toutes ces choses là. Huku hivi vitu vyote hivi. Dieu n'est pas dans les ismes là-bas. Mungu ana mwile mafundisho ya bantu. Non. Hapana. L'un avait un credo selon lequel il ne croyait pas à la résurrection. L'autre croyait aussi bien à la résurrection. Un autre croyait à une manière particulière de se lever les mains. Et la façon de s'y prendre. Exactement comme aujourd'hui. Et si Christ, kama Christ pouvait venir dans une certaine histoire de ces gens, les gens seraient heureux de recevoir cela. Mais quand il vient dans sa puissance de résurrection, pour amener les gens à vivre, pour amener les gens à agir, pour amener les gens à bien se comporter, pour changer leur attitude, changer leurs habitudes aussi, changer leur vie, ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Ils veulent vivre juste comme bon leur semble. Ils veulent continuer à vivre carrément comme ils ont toujours vécu. Tout en étant toutefois très religieux. Tout en allant à l'église. En y étant membre. Pour vu qu'il puisse y aller le dimanche matin. Et je ne sais à quel moment. Suivre un sermon de 15 minutes du pasteur. Qui fera qu'il sorte de là en quelque sorte à moitié satisfait. D'avoir accompli leur religion pour la semaine. Pour eux, cela règle le problème. Et ils retournent faire tout ce qu'ils veulent le reste de la semaine. Dieu a donné la promesse Mungu arleta malako de ce qu'il ferait en ces jours-ci. Ya kila atafanyaka muhima siku hii. Et j'aimerais na mina penda demander à quiconque kuuliza mutu ote ote demander à tout ministre kuuliza mutumishi ote partout fazi ote de me citer anitaiyeko une seule promesse malako atamoya que Dieu a fait à l'église. Il est Mungu arilaka au kanisa. Ce qu'il a dit que les gens feraient. Et que la véritable église n'accomplit pas maintenant. Na, kile kanisa ya kweli haitimize leo. Est-ce que vous comprenez la pensée? Eti munaelewa wazo? Jésus. Yesu. A amené Dieu dans la vie des hommes. Arileta Mungu mu maisha ya bantu. Jésus. Yesu. A amené Dieu dans la vie des hommes. Est-ce que vous croyez aussi que le message biblique du temps de la fin a amené Dieu dans la vie des hommes? A amené Dieu dans la vie des croyants? Jésus. Yesu. A amené Dieu dans la vie des hommes. Arileta Mungu mu maisha ya bantu. Quand Jésus était né. Wakati Yesu alizaliwa. Dieu est devenu homme. Mungu anakuwa mutu. Pour pouvoir entrer en communion avec l'homme. Ya kuingia mapatano na mutu. Et dans l'homme. Na ndani ya mutu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour accomplir un but. Juu ya kutimiza kifukuzio. C'est-à-dire. Manake. Apporter à l'homme ce que Dieu est. Kile Mungu eko. Apporter à l'homme ce que Dieu est. Kile Mungu eko. Et non pas ce que l'église est. Apana kile kanisa eko. Mais ce que Dieu est. Alakini kile Mungu eko. Apporter à l'homme ce que ce que Dieu est. Chile Mungu eko. Si. Kama. On nous a apporté. Marituleteya. Ce que Dieu est. Chile Mungu eko. Ce que Dieu est. Chile Mungu eko. Doit se manifester. Na pasi onekana. Mais maintenant, si ça ne se manifeste pas. Sasa kama kionekana. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Manake ku kitu akiendeke. Est-ce que tu as ce que Dieu est? Eti ukuna kile Mungu eko? Est-ce que tu as ce que Dieu est? Eti ukuna kile Mungu eko? Tout le monde n'en a pas. Mutu ote ananakyo. Monsieur. Badada yang. Tout le monde n'a pas ce que Dieu est. Mutu ote anana kile Mungu eko. Mes frères. Banduku yang. Tout le monde n'a pas ce que Dieu est. Mutu ote anana kile Mungu eko. C'est toi. Ni weye. Toi seulement. We tu. Qui a ce que Dieu est. We njo uku na kile Mungu si eko. Si c'est toi seulement. Kama ni paka weye qui a ce que Dieu est. Mwenye kwa na kile tu Mungu dois eko. Manifester aux gens. Unapati kuonesha kubantu. Ce que Dieu est. Kile Mungu eko. Si ça ne se manifeste pas. Kama kionekani. C'est parce que kwani. Nous sommes privés de la présence de Dieu. Njo atuna na uwepo wa Mungu. Quand on est privé de la présence de Dieu, Dieu ne se manifestera pas. Nous maintenons notre âme. Nous maintenons même la nature de Dieu. C'est tout en étant dans sa présence. Nous maintenons même le caractère de la parole. C'est tout en étant dans sa présence. Quand vous vous éloignez de la présence de Dieu, mes frères et sœurs, vous devenez déformés. Quand vous vous éloignez de la présence de Dieu, à l'instant où vous vous éloignez, vous mourrez. Et aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à se maintenir dans la présence de Dieu. Mais par contre, les gens veulent s'éloigner de plus de la présence de Dieu. Écoutez-moi mes frères et sœurs. La cruauté du péché, c'était pratiquement couper l'homme. Couper l'homme, détacher l'homme de la ligne du surnaturel. Quand on te détache de la ligne du surnaturel, on a couru à Muntu Mpamba. On a couru à Muntu Aovio. C'est ce qui est arrivé à Adam. Adam, quand il était au surnaturel, quand il était dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, Adam dominait. Mais le diable est entré. Quand le péché est entré, le péché l'a détaché. Le péché a coupé Adam de la ligne du surnaturel. Et Adam a perdu tous ses privilèges. Aujourd'hui, beaucoup de croyants, il y a deux choses. Il y a la relation. Amen. Amina. Un autre aspect. Na ngambo ingine. Il y a pratiquement la communion. Kuku ushirika. Quand j'ai mon enfant moi. Wakati nuna mtoto yangu. Même s'il pêche. Ata kama akitenda zambi. Il ne devient plus mon enfant. Eti, ana tena mtoto yangu? Hein? Je vile? Mtoto yako. Mtoto ton yako. Enfant à toi là. Comme on attend ensemble. Dès qu'il commet les péchés. Achina te mutoto yako. Il n'est plus ton enfant. Achina te mutoto yako. Il cesse d'être ton enfant. Ce n'est pas comme mutoto yako. Mais il continue à être ton enfant. Ça c'est un aspect. Il est ni ngambo ingine. Un autre aspect. Ngambo ingine. C'est la communion. Ni ushirika. Tous les privilèges qu'on peut avoir. Madaraka yote tunawezi kuwa nayo. De part de Dieu. Kwa upande wa Mungu. C'est basé sur la communion avec lui. Inayengwa yulu ya ushirika ile tukunaye. Tous les privilèges. Madaraka toutes les bénédictions. Ma faida yote qu'on peut avoir de la part de Dieu. Tunawezi kupokea kwa upande wa Mungu. C'est basé sur la communion avec Dieu. Inayengwa yulu ya ushirika ile. Le diable sa chance cela. Shetani mwenye kuyua kile. Il a voulu juste couper. Alipenda tu wakate. La communion de l'homme avec Dieu. Il est juste coupé la communion de l'enfant avec son père. Et quand il a réussi à couper ça, l'enfant a perdu tous les privilèges. Mutoto anapoteza mabaraka yote, mabati yote alikuwa nayo mbele ya baba yake. Je ne sais pas si l'église comprend. Misijue kama kanisa inaelewa. Et même l'enlèvement, hata kunyanyuliwa, c'est pour ceux qui sont en communion avec Dieu. Ni kwa wale wako katika ushirika na Mungu. Et le diable, na shetani, c'est qu'il cherche à déranger. Kile kuna tafuta kuharibisha. C'est ta communion avec ton Dieu. Ni ushirika yako na Mungu. Il a toujours cherché à briser cela. Anatafuta kila mara apate kuivunja. Et quand il réussit à briser cela, wakati anaweza kuikata, il t'éloigne de Dieu. Pala na kuweka mbali na et Mungu. Et tu perds tous tes privilèges. Na unapoteza mafaida yote kwa Mungu. Utatafuta Mungu amupati. Tu vas chercher Dieu, tu ne le verras pas. Malari, unamutafuta dans la maladie, tu vas l'évoquer, il ne viendra pas. Mon problème, unamutafuta dans les problèmes, tu vas les chercher, tu ne le verras pas. Mungu. Lorsque tu pries Dieu, si tu as un problème quelconque, fulani, c'est Dieu qui nous a dit. Ni Mungu demandez. Ombeni. Tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. Si ne le fait pas, mon frère, ma soeur, il doit pratiquement me donner une condition pour laquelle il ne me donne pas cela. Pacha ni pacha, kikisho Dieu a nini ashinipatie. Lisons encore quelque chose. Nous sommes maintenant à kitu kingine. Makari ya nzambi, la cruauté du péché, yenyewe ilipeleka Yesu akaripende akaripe bei, qui a conduit à Jésus-Christ de payer le prix. Makari ya nzambi, la cruauté du péché, péché, makari ya nzambi, c'était pratiquement de détacher l'homme. Il quoi kabisa kabisa ya kumtukunya mutu. Détacher l'homme du surnaturel. Ah, il y a kutukunya mutu kwa mbele ya Mungu. Parce qu'aussi longtemps l'homme demeure avec le surnaturel, wakati yote le mutu anaendelea kukaa ndani ya kimu, Shetani atakimbia wapi? Par où est-ce que Satan peut entrer? Et pour réussir, na juu ya kuweza, il fallait faire entrer le péché. Ilipashi kuingiza zambi. Tout le péché que vous entretenez, zambi yote le mungu na chunga, ça a de l'impact. Iko na matokeo mbaya. Pas seulement aina sur vous-même, yulu yako wewe mwenyewe, ça aussi de l'impact même sur votre environnement. Iko na matokeo mbaya hata yulu ya pas seulement sur votre environnement. Hapana paka yulu ya ina même sur votre travail. Hata yulu ya kazi yako. Ne fermez pas l'œil. Usifunge jicho. Et aujourd'hui, Léo, nous vivons parfois avec une conscience tranquille, tout en étant dans le péché, sans pour autant comprendre les conséquences benye du péché. Zambia, lakini bila kujua matokeo mbaya ya zambi. Aujourd'hui, on a affaire à des croyants Léo, y, tu, kuna maminifu, qui vivent avec des péchés inconfessés. Na Zambia, shipo kutubu. Ils n'ont pas le temps de chercher à arranger leur vie avec Dieu. Abana na wakati ya kutengeneza maisha ya c'est pourquoi l'église est dans l'état où elle est. Joko mana kanisa iku mwali c'est pourquoi beaucoup de croyants sont dans l'état où ils sont. Joko mana maminifu, mamingi weko mwali nous sommes en train de chercher Dieu alors que Dieu a promis qu'il sera avec nous. Tu, kuna mtafuta Mungu, japa, rilaka, sema, takwa, pa, Dieu ne peut pas se contredire. Mungu hawezi kujipinganisha. C'est lui-même qui a dit. Ye mwenyewe alisema. Je marcherai au milieu de vous. Natembea katikati yenu. Et j'habiterai avec vous. Nantaka pamoja na mwenyewe. Israel. Israel. Mes frères et sœurs. Quand ils devraient aller au combat. Wakati ils devraient se rassurer de la présence de Dieu au milieu d'eux. Arfash kwa na hakikisho yeye. Si la présence de Dieu n'est pas là. Kama uwepo wa Mungu. Ça serait mieux de ne pas aller au combat. Parce que Dieu, ils seront vaincus. Ils seront battus. Matendo mapika. La défaillance qu'on a kushindwa kule tukunako dans notre vie, mumaisha, dans notre marche, musafarie, c'est manque de la présence de Dieu dans tukua tout ce qu'on est en train de faire. Uwepo wa Mungu muyote tukunapanya. Mwitika mukatale. Accepte la vérité. Ni kweli. C'est pourquoi nous vous parlons. Je commande tout qu'on a ramener la présence de Dieu. Murudishe uwepo wa Mungu. Kama kumwenye kukauka. Si tu es sec. C'est-à-dire il y a manque de la présence de Dieu. Manake, hauna là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas la sécheresse. Là où il y a la présence de Dieu, il y a des changements. Là où il y a la présence de Dieu, il y a les fruits. Pale peko uwepo wa Mungu peko matunda. Amen. Amina. Lisons. Tout somme. Cruauté du péché. Ukali makari ya zambi. La cruauté du péché. Makari ya zambi ni maubiri. Page 9. Kartasi yake ya kenda. Paragraphe 50. Nukta makumitano. Alors, basi, il a créé toute sa création. Aliumba maumbile yake yote. Puis après qu'il lui fait cela, kisha kufanya vile, tous les arbres ont germé. Miti yote ilichipuka. Toutes les plantes ainsi de suite ont germé. Miti yote na binginepo yote ilichipuka. Quelle belle configuration. Ah, mufano gani mzuri ile. Il avait amené cela. Alileta. C'était magnifique. Ilikuwa ni ya damani ya mzuri sana. Et il trouvait que c'était super. Aliona kwamba ilikuwa mzuri sana. Et tout était superbe. Bitu vyote vilikuwa vizuri sana. Aussi longtemps que Adam et Eve. Wakati yote ile Adam na Eva. Se maintenaient dans l'ordre de Dieu. Barikuwa naendelea kuikala musawa ya Mungu. Et dans l'ordre de Dieu. Na musawa ya Mungu. Dieu leur avait dit. Mungu aliwaambiaka. Ce qu'ils doivent faire. Ile walipashi kufanya. Et ce qu'ils doivent pas faire. Na ile hawakupashi kufanya. Dans l'ordre de Dieu. Musawa ya Mungu. Et ce que nous devons faire. Mungu kile tunapashi kufanya. Et ce que nous ne devons pas faire. Na kile hatupashi kufanya. Si vous faites. Kama ukifanya. Ce que vous ne devez pas faire, sachez que vous vous privez automatiquement de la présence de Dieu. On a jizuiza na uwepo wa Mungu. Cette beauté là, il est buzuri bule. Cette bonne atmosphère, il est ali mzuri. Était maintenu. Il croyait aussi longtemps. Adam et Eve. Adam na Eve. Se maintenaient dans l'ordre de Dieu. Bariendelea kukaa musawa ya Mungu. Et dans l'ordre de Dieu. Je répète. Musawa ya Mungu mina. Il y a ce que nous devons faire. Mungu kile tunapashi kufanya. Et il y a ce que nous ne devons pas faire. Mungu kile hatupashi kufanya. Et si nous sommes de Dieu. Kama tukuba Mungu. Nous devons réellement nous tenir strictement à l'ordre de Dieu. Tunapashi kweli kweli kusimama paka musawa ya Mungu. Et il ne pouvait pas donc laisser cela dans cet état. Ah, kuwezi kuacha ile mwile ali. Il devait laisser quelque chose. Apache kuacha kitu fulani. Il a donc dit. Alisema basi. Faisons l'homme à notre image. Tufanye mtu kwa mfano wetu. Ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, c'était un homme esprit. Hivi basi, wakati Mungu aliumba mtu wake wa kwanza alikuwa ni mtu wa kiroho. C'était quelque chose. Ilikuwa ni kitu. Appartenant à l'ordre de Dieu. C'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu. Et l'homme devrait maintenir cet ordre de Dieu. Pour aussi maintenir toute chose dans son état. Amen. Amen. C'était quelque chose il kwa nikitu fulani, appartenant à l'ordre de Dieu. Chenye kwa musawa ya Mungu, du Fils de Dieu. Kya mwana wa Mungu, du Logos. Ya Logos. C'était le premier homme. Alikuwa ni mtu wa kwanza. Et le premier homme na mtu wa kwanza, appartenait à quoi? Alikuwa kuwapi? À l'ordre de Dieu. Alikuwa musawa ya Mungu. Ce message I ujumbe, rétablit toute chose. Ikunarudisha kitu kyote. Le message, c'est un message de rétablissement de toutes choses. Il ujumbe ni ujumbe ya kurudisha kwa bitu biote. Et dans de toutes choses, na mu bitu biote, il y a le rétablissement de l'ordre divin. Mungu kurudisha usawa ya kimungu. Et il y a le rétablissement de l'ordre biblique de l'église. Na Mungu kurudisha usawa ya biblia. Si nous voulons réellement marcher avec Dieu, kama nous devons nous maintenir et maintenir l'ordre de Dieu. Nakubakiria musawa le chaos qu'on a, c'est parce que nous ne maintenons pas l'ordre de Dieu. Ile tukunayo ni juu tuchunge usawa ya Mungu. Puis il a donné à l'homme kisha kupatia mtu mamlaka pour y diriger tous les animaux. Juste comme le Saint-Esprit dirige le croyant aujourd'hui. Paka vile Roho Mtakatifu anaongoza waaminifu leo. Voilà. Jo vile. Voilà. Wende kule. Fais ceci. Fanya hiki. Maintenant. Sasa. Si nous nous soumettions totalement kama au Saint-Esprit, tunamutika kabisa kabisa Roho Mtakatifu. Nous dirigerons par le Saint-Esprit. tutaongozwa na Roho Mtakatifu. Par le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Juste comme Adam. Paka sa vile Adam. Dirigeait les animaux en ces temps-là. Alikuwa anaongoza. Église de vous si vous désirez. Et kanisa mnafuata. Je répète. Nasema motena. Ma sœur. Dada yang. Même toi là. Hata weye pale. Tu as l'obligation. Uko na mapasha. En tant qu'enfant de Dieu, si ton enfant tombe malade, de lui imposer les mains. Et l'enfant sera guéri. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu a dit demandez. Tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. Je n'ai pas un menteur. Pour mentir, Dieu reste véritable. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Que Dieu seul soit reconnu pour c'est lui-même qui nous a dit tout ce que vous entreprendrez réussira. Il y a le commerce relatif à la vie que nous vivons. Il y a aussi le commerce relatif au futur. C'est pourquoi il y a ce chaos. Tout ce que tu entreprendras réussira. C'est la parole de Dieu, non? Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. C'est la parole de Dieu. Kama tu bione, kama tu one kile Mungu alisema, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas maintenus dans l'ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu est maintenu dans la présence de Dieu. Ma soeur, as-tu bien compris? Mes soeurs, est-ce que vous avez compris? Mes soeurs, est-ce que vous avez compris? Mes frères, est-ce que vous avez compris? Je relis. Naïsso matena. Il ne pouvait pas donc. Je reprends. Nanzulula. Alors. Vas-y. Il a créé toute sa création. Aliumba maumbile yake yote. L'arbre était à sa place. Muti ilikuwa pafazi yayo. Il n'y avait pas la mort. Akukwe lufu. Tout était beau. Bitu byote bilikuwa bizuri. Tout était bien. Byote bilikuwa muzuri. C'était vraiment super. Ilikuwa ni bizuri kabisa. C'était magnifique. Ilikuwa ni adamani ya muzuri sana. Alors il a créé toute sa création. Basi aliumba maumbile yake yote. Et puis. Na kisha. Après qu'il lui fait cela. Kisha kufanya vile. Après qu'il eut fait cela, vile, tous les arbres ont germé, yote chipuka, les plantes ainsi de suite, yote na quelle belle configuration. Ah, mufano kani mzuri ile. C'était magnifique. Konekana kuzuri sana. Il trouvait que c'était super. Ariona ya kwamba bikuwa ni mzuri sana. Nous n'avons pas à envier ça. Atuwezi kutamani. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, Dieu encore rétablit cela. Kwani leo mukanisa Mungu anairudisha ile. Dieu a rétabli ça. Mungu anesha irudisha. Cet état qui était perdu. Ile ali ile kwenye kupotea. Aujourd'hui dans l'église, nous avons cet état. Leo mukanisa tukuna ile ali. Dans l'église de Jésus-Christ, règne cet état. Mungu natawala ile ali ya mzuri. Ça c'était l'œuvre de la création. Mais nous sommes dans l'œuvre de la rédemption. Et nous sommes dans l'achèvement. Na tukukumalizika kumwisho. Il ne pouvait donc pas laisser cela comme ça. Il devait laisser quelque chose avec. Les fruits de l'esprit. Matunda ya roho. Toutes les réalités de Dieu. Ma ukweli yote ya Mungu. Se trouve aujourd'hui dans l'église. Inapatikana leo mukanisa. Toutes les réalités du Dieu vivant. Ma ukweli yote ya Mungu aliye hai. Se trouve aujourd'hui dans l'église. Inapatikana leo mukanisa. Kile tunacho besoin. Kama tunakuwa kwa Mungu. Kama vile Mungu alisema. Comme Dieu l'a promis. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Je suis parmi nous. Il est le Dieu tout puissant. Et il est parmi nous dans toute sa plénitude. C'est à moi qu'il est en portion. Ni ndani yangu mie. Ni ndani yako weye. Tu es en portion. Ah, ndio kwa mosemu. Eko sehemu. Kipande. Ce n'est pas la plénitude de Dieu. Mishina na utele ya Mungu. Mais parmi nous, katikati yetu. Parmi nous ce soir. Katikati yetu mangalia. Dieu est parmi son peuple dans toute sa plénitude. Mungu yuko katikati ya taifa lake katika utele yake. Il demeure le même Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Il demeure le même Dieu qui nous délivre. Il demeure le même Dieu qui nous pardonne. Il demeure le même Dieu qui sauve. Anaendelea Mungu wako. Il demeure le même Dieu qui nous baptise du Saint-Esprit. Léo, Mungu akafanya kazi yake yote. Aujourd'hui, Dieu a accompli tout. Mangaribia leo. Ce soir. Mungu akunatunza. Dieu guérit. Mangaribia leo. Ce soir. Mungu akunabariki. Dieu bénit. Mangaribia leo. Ce soir. Mungu akunadelivre. Dieu délivre. Mangaribia leo. Mungu akunatakasa. Dieu sanctifie. Mangaribia leo. Mungu akunajaza bantu na Roho Mtakatifu. Rempli du Saint-Esprit. Dieu le fait. Mungu yuko naifanya. Chaque jour quand nous nous réunissons. Kila siku wakati tunakusanyika. C'est pas me dire que. Aina Dieu kumiambia sema. C'est aujourd'hui le jour de sanctification. Leo ndio siku ya utakaso. Demain ça sera le jour de bénédiction. Kesho itakuwa siku ya baraka. Après demain ça sera le jour du baptême du Saint-Esprit. Kesho yake itakuwa siku ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Non. Hapana aina vile. Lui qui a dit. Yeye alisema. Là où deux ou trois. Pale bawili wala batatu. Sont réunis en mon nom. Wanakusanyika mjina. Je suis parmi eux. Il est dans toute sa plénitude. Et il accomplit toute son œuvre. C'est toi. Le même Dieu guérit. Le même Dieu délivre. Il pardonne. Il sanctifie. Il baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi pour l'offre pour gagner c'est de vous protéger. L'absence de l'église se perd. Comme on a l'offre l'air. Si tu t'absentes aujourd'hui, tu fais un pas de t'éloigner de Dieu. On a fait un tour à quoi on a l'offre quelque chose. Deux pas. On a fait un tour. On a l'offre quelque chose pour toi. Tu t'absentes. Les jours où tu vas venir, tu verras que toutes choses deviennent. Tu pries, tu n'es pas. Tu es privé de la présence de Dieu. Ouais, c'est sec. Vous pensez que les jours qu'on a mis les jours de culte, vous croyez que Matiku Barueka, on perd le temps inutilement venir tous les jours à l'église? Non. À part? Il ne pouvait donc pas laisser cela dans cet état. Il devait laisser quelque chose avec. Ainsi il a dit donc, faisons l'homme à notre image. Toutes ces choses-là qu'il a créées, tout ce qu'il avait créé, il voudrait les donner à qui? Vile vyote anafanya. Tout ce qu'il avait créé là. Anapenda kupatia vyo mtu. Il voudrait les donner à l'homme. Na mtu anapasha kuvichunga tout en étant dans la présence de Dieu. Je vais les garder. Kama eko naishi mu présence ya Mungu, ni kusema anachunga vitu vyote mu ile hali Mungu alimupatia. C'est-à-dire il a gardé toutes les choses dans l'état dans lequel Dieu les lui a donné. C'est clair? Ikuwazi. Est-ce que c'est clair? Et ikuwazi. Kuchunga vile vitu vyote. Garder toutes ces choses. Kuchunga simba mu ali yake ya musi. Garder le lion dans son état de vie. Ule simba ashukuri yake nkasha. Ce lion là ne peut pas manger la gazelle. Est-ce que vous comprenez? Kuchunga simba mu ali yake ya musimba. Le lion dans son état de vie. Mungu anapasha kuwatia kila wakati muwepo wa Mungu. L'homme devrait rester. Na wakati ko muwepo wa Mungu, eko na chunga pratiquement ordre ya il garde pratiquement. Est-ce que vous comprenez l'église? Mais wakati mtu anafunja. Lorsque l'homme a brisé. Kenye Mungu alisema. Ce que Dieu avait dit. Faka pale. Sur la anaenda mbali na Mungu. Il s'est éloigné. Na faka pale désordre na fa nini inaingia. Sur le champ le désordre. C'est pourquoi Dieu nous dit ce soir. Il n'est pas le Dieu de désordre. Il est le Dieu d'ordre et le Dieu de paix. C'est là où il y a l'ordre. C'est là où il y a la paix que règne toutes les bénédictions. Et les bénédictions seront là en permanence. kila wakati. Kama desordre inaingia hata mu maisha yako frère, kazi utaipotesha. Tu vas perdre de l'emploi. Makuta utaipotesha. L'argent tu vas le perdre. Akiri utapotesha. L'intelligence tu vas le perdre. Kenye kinafanya je upoteshe kile ulikuwa nacho. Ni desordre unaingisha mu maisha yako. Le désordre que tu as introduit. Wewe ukwanjaga kunywa. Toi qui ne buvais. Leo unaanza kunywa. Unawajaza mizabaki paka vile. Est-ce que tu crois que ça a de l'impact? Iko na matokeo ya mbaya. Si tu t'absentais seulement une semaine de l'église, tu verras, tu vas commencer à faire des choses étranges. N'est-ce pas? Aïna vire. Tu vas commencer à faire des choses étranges. Tu t'absentes seulement une semaine à l'église. Tu vas commencer à faire des choses étranges. Tu vas commencer à agir de la manière dont tu n'agis jamais. Tu vas commencer à macho yako itanja paka kupika pika. Tes yeux vont commencer à unaangalia mwanamke anapita unamtamania. Regarde une femme passer. Juu ya nini unakuwa mwile hali? Unaenda kwenda mbali na presence ya Mungu. Parce que tu t'es déjà éloigné de la présence de Dieu. Na wakati unakuwa mwile hali, Shetani anakuingililia. Parce que lui c'est un voleur. Lui c'est un destructeur. Quand il entre, il va d'abord tout détruire. Est-ce que vous comprenez? Ne donnez pas l'occasion au diable. Nous n'ignorons pas ses desseins. Kama unampatia kilolo atapenda kubeba mkono yote mshika. Il va pouvoir chercher à prendre toute la main. Nous n'ignorons pas les plans de Satan dans notre vie. Si tu lui donnes seulement un doigt, akatoaka. Mais puisque le petit doigt, il va chercher à prendre toute la main. Un voleur, Mouizi, un destructeur, Mwaribifu, ne lui donnez pas l'occasion. Kama Mungu anakupatia baraka, si Dieu te donne chunga ile baraka mboka ya Mungu. Garde cette bénédiction dans la grâce de Dieu. Kama Mungu anakupatia baraka, chunga ile baraka mboka ya Mungu. Kama Mungu anakupatia franga, chunga ile franga mboka ya Mungu. Mungu atakongeza ingine. Ndio maana anasema celui qui est fidèle dans des petites choses, il le sera même dans les grandes choses. Kama Mungu anakuona uko na heshima ya kaloko kala nakupatia atakongezea vingine. Leo tu mwi alitwiko. Aujourd'hui dans cet état dans lequel nous sommes. Mikono pako kwa chafu. Chaque jour avec tristesse. Mungu alisema anisamiacha ba orphelin. Dieu a dit je vous laisserai pas. Nania ya Mungu a toujours été de consoler son peuple. Lui-même a dit consolez mon peuple. Même ce soir je veux te consoler. Anayua sema unaria sana. Eko napenda kupangusha machozi yako. Mungu wetu anapenda kukufariji. Anayua sema ulipotesha. Leo anapenda urekipere. Je vais lire pour arrêter. Tasoma Dieu a kusimamisha. Il ne pouvait pas donc. Akuwezi. Il ne pouvait pas donc laisser cela comme ça. Akuwezi kama kuacha maumbile peke yayo. Il devait laisser quelque chose avec. Alipashi kuyachi yako kitu fulani. Il a donc dit. Basi alisema. Faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu wa mpicha yetu. Faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu wa mfano yetu. Ainsi donc Dieu a fait son premier homme. Hivi basi Mungu aliumba mutu wake wa kwanza. C'était un homme esprit. Alikuwa mutu roho. C'était quelque chose. Ilikuwa ni kitu fulani. Appartenant à l'ordre de Dieu. Chenye kuwa musawa ya Mungu. C'était quelque chose appartenant au Fils de Dieu. C'était quelque chose appartenant au Logos. Puis, il a donné à l'homme l'autorité pour diriger tous les animaux, juste comme le Saint-Esprit dirige le croyant aujourd'hui. Va là. Wende pale. Fais ceci. Fanya iki. C'est ce que le Saint-Esprit. Jo kile Roho Mtakatifu anafanya. Il te dit va là. Anakuambia wende kule. Fais ceci. Fanya iki. Ne fais pas ça. Usifanye iki. Je suis en train de lire. Niko nasoma. Eh? Na maintenant. Sasa. Si kama nous nous soumettions. Tunati. Tunajiti. Tunajiti. Nous nous soumettions. Tunajiti. Totalement. Kabisa kabisa. Au Saint-Esprit. Kurom takatifu. Dieu. Mungu. Nous dirigerait par le Saint-Esprit. Atatuongoza kupitia Rom takatifu. Juste comme Adam dirigeait les animaux en ce temps-là. Paka vile Adam alikuwa anaongoza wanyama mwile wakati. Paka vile Adam. Anajikonesha, anaonesha simba. Toka pale. Kuya hapa. Simba anakuja. Ele lion obeisse. Paka vile Adam. Arrange qu'on est chacun pepo. Shimama. Pepo na shimama. Na kama si. Tout qu'on a dit complètement. Le Saint-Esprit. Dieu. Nous dirigerait par le Saint-Esprit juste comme Adam dirigeait les animaux. Où t'aomba, bingu itafunguka, itakupatia kile unalomba. Où t'asema, est-ce que vous comprenez? Je vais arrêter. Merci, Mamisha. Ainsi, page... Vivi Basse. Page 12. Cartas Yacuminambili. Paragraphe 70. Nukta Makumisaba. Adam a donc pris Ève comme sa femme. Adam a rumbe babasi awa sawa bibi yake. Alors quand le péché est entré, wakati zambi lingia, j'ai mon idée de ce que c'était. Niko na wazo yangu ya kile vile kilikuwa. Je ne l'expose pas dans l'église. Sita iambia ku kanisa. À moins que j'ai une petite classe de certains gens. Isipokuwa nikuwa tu na kundi fulani ya. Je sais que c'était le péché au commencement. Yulu ya ile zambi ya kumwanja ilikuwa. Mais de toute façon. Alakini ata vile. Quand le péché est entré, wakati zambi lingia, le péché les a séparés de la communion avec Dieu. Zambi ilivatenganisha na Mungu. Répète bien. Zambi ilivakata ma ushirika na Mungu. De toute façon. Ata vile. Quand le péché est entré. Wakati zambi lingia. Le péché les a séparés. Ilivatenganisha. De la communion na, avec Dieu. Na ushirika ile walikuwa nayo na Mungu. Comme le péché les a séparés de la communion avec Dieu. Vile zambi ilivakata ushirika na Mungu. En perdant la communion avec Dieu, ils ont perdu tout le privilège. Kupoteza ushirika na Mungu walipoteza mabaki. Toi aussi, en perdant ta communion avec Dieu, tu perds tout le privilège. Wana wa Mungu. Poteza ushirika na Mungu na poteza mafaida yote. Maintenant voici le tableau que je veux avoir. Sasa oneni mfano nitakuwa nayo. Eh bien quand Dieu s'est rendu compte. Wakati Mungu alifumbula. Ou plutôt un ange ou un être est venu annoncer à Dieu. Wakati malaika alikuwa kumtangazia Mungu. Ton fils est perdu. Mtoto yako anapotea. Ton fils a péché. Mtoto yako anatenda zambi. Ton fils est tombé. Mtoto yako ananguka. C'était le jour le plus mauvais qui a existé sur la terre. Ilikuwa njo siku mbaya ila hii. Le jour le plus mauvais qui a existé sur la terre. C'est le jour où on est allé dire à Dieu, ton fils est tombé. Siku mbaya. Ton fils a péché. Duniani ile siku bali mwambia Mungu asema mtoto yako ananguka anatenda dhambi. Maintenant observez. Sasa tazameni. La tendance de l'homme. Tegemeo ya mutu. La tendance de l'homme. Tegemeo ya mutu. Bien vite. Araka, il se fait une religion. Anajifania dini. L'homme a toujours eu une certaine religion. Mutu anekalaka na dini fulani. J'ai parlé l'autre jour à un homme célèbre ici dans la ville. Sikumwona kwa nasema na mutu mwakavumu muhimu. Il a dit. Alisema. Vous savez ma religion, frère Branham. Unajua dini yangu ndugu Branham. C'est d'observer la règle d'or. Ni kushika amri. C'est bien. Ni mzuri. Mais. Alakini. Ndugu. Si un homme n'est né de nouveau. Il périra. Atakufa. Oui. Dio. Forcément, il doit naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Maintenant, la règle d'or, c'est très bien. Un homme vertueux peut le faire. Mais, ça doit être entièrement dans la ligne du surnaturel. Ça doit être entièrement dans la ligne du surnaturel. Et vous verrez ce que Dieu a dû faire. Pour que nous puissions naître de façon surnaturelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Tu peux vous aider à prier. Il est amisaidia mpate kuomba. Tu peux vous aider à marcher. Il est amisaidia mtembee. Si tu t'es éloigné de Dieu, ma soeur, mon frère, plus que jamais, par le sang de Jésus, retourne. Retourne à Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est la mort. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge dans lequel Dieu est venu aux hommes. Le message nous a apporté ce que Dieu est. Le message biblique du temps de la fin nous a apporté ce que Dieu est. Finalement, nous avons ce que Dieu est. Ce que Dieu est doit être manifesté. Si cela n'est pas manifesté, c'est parce que nous sommes privés de la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je remets la chair au pasteur. Nachia mimbari kwa pastori.